Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 13 janvier 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 14 janvier, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis, à la demande, sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci cher Michel. Eh bien, je salue l'arrivée de François De Witt dans notre studio. François De Witt, l'auteur d'un livre tout à fait fascinant qui s'intitule « La preuve par l'âme » et je resalue de nouveau notre cher Jean-Paul Chériguez de Olmeta, hein, qui a publié récemment mon libre journal avec une préface de Catherine Rouvier et une très belle illustration de notre ami Char. Que je remercie. Alors, je vais dire un peu ce que je pense, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Je suis très tranquille. De ce livre. Votre livre, cher Jean-Paul, ne se lit pas. Il se déguste. Il se savoure par petites tranches, comme il a été écrit, par petites touches, à la manière dont peint un artiste montmartrois. D'une plume alerte, tour à tour rigolarde, chagrine et assassine, vous nous brossez votre journal des années 2014-2015. Et c'est de bout en bout passionnant. Parce que, visiblement, doué du don d'ubiquité, vous êtes presque toujours partout où il faut être. Au vernissage et cocktails mondains, au dîner chic, aux événements chocs, aux premières de théâtre et dans celles des trains internationaux, sur les croisières maritimes et fluviales et aux grandes croisades nationales, aux réceptions officielles très classes et aux réunions officieuses très incorrectes, politiquement, aux obsèques des amis réputés ou des adversaires respectables, à la cour des grands et au secours des petits, tel le malheureux sireur du Fouquet's. Ah oui, c'est terrible. Au fil des pages 252, vous sautez allègrement du marché aux puces au pays des cigales, de l'hippodrome de Vincennes au théâtre des Deux Ânes, d'une fastueuse soirée à l'opéra ou d'un concert à Pleyel à la revue de cabaret de votre ami Michou, du merveilleux festival du cirque à Monaco, aux pitoyables clowneries de celui d'Avignon, du riche musée de la Légion d'honneur aux légions d'horreur de l'art contemporain, du souvenir napoléonien, qui ne laisse hélas aucun marquis, à l'unité capétienne, aussi hypothétique d'ailleurs que celle de la droite. Vous nous faites découvrir Sainte-Hélène avec Jean Tullard, redécouvrir Montmartre, apprécier les charmes du Berry de Georges Sand, les sortilèges de la Camargue et de ses gardiens. Au fait, votre veste de gardien, oui, elle vous va bien? Oui, oui. Bon, c'est parfait. Les lumières et les ombres de la ville éternelle, les trésors méconnus du château de Vincennes, de celui des Coins ou encore du quai d'Orsay, où vous fûtes convié, bien que fort peu gaulliste, à l'anniversaire de la création de l'Ordre du Mérite. Vous n'en manquez pas du reste de mérite, cher Jean-Paul, car votre livre est beaucoup plus qu'une chronique boulevardière ou un récit de voyage et de rencontres. Il fourmille d'observations lucides, de réflexions pertinentes, de notations aigre-douces, de portraits au vitriol, Jean-Jacques Bourdin, Laurent Ruquier et j'en passe, de souvenirs truculents ou émouvants, d'anecdotes savoureuses, plus souvent cocasses et un tantinet philosophique que franchement méchante, les bons mots y abondent. Ainsi, par exemple, j'ai beaucoup ri. Le Salon des Seniors, joliment rebaptisé Festival de Cannes, ça c'est quand même très joli, où les femmes tondues à la Libération, promues pionnières du rapprochement franco-allemand. Bon, œil de lynx et croc de loup, vous épinglez non sans férocité notre société décadente dans tous ses états. Dans votre basse-cour, pour pour notre plaisir, voire notre régal. Les oies mondaines jacassent avec cette bêtise qui donne une idée de l'infini, Ernest Renan. Les pans célèbres font la roue sans la moindre conscience du ridicule. Les petits coqs politiques, médiatiques ou théâtreux, comme certains chefs étoilés, du reste, se prennent, on peut en rire ou en pleurer, pour Chanteclerc. Après avoir lu cette nouvelle radioscopie de notre petite comédie humaine, cher Jean-Paul Chériguez de Olmeta, oserais-je dire, sans flagornerie, oserais-je dire, cher Marquis, qu'il y a chez vous du La Bruyère, du Saint-Simon et du Renard. Jules. Oui. Bon. Votre libre journal prouve en tout cas que vous avez beaucoup d'humour et que, très fidèle en amitié, vos dîners avec les Le Pen en témoignent, entre autres, vous n'êtes pas non plus dépourvu d'amour. Même si j'ai cru déceler que dans votre cœur, la race chevaline tient plus de place que l'espèce humaine. Je vous comprends, Jean-Paul. Et vous en sais d'autant plus gré d'avoir consacré dans votre ouvrage des lignes si amicales, si élogieuses à mon combat pour la France sur Radio Courtoisie. À mes auditeurs, à table pour déguster les morceaux choisis du Marquis. Cher Gérard, merci. Je vais vous demander de me donner une photocopie de votre texte. Et si j'ai bien compris, j'aurais pu le sous-titrer « Je suis partout », mon bouquin. Oui, exactement. Bah, j'ai dit « Le temps du fouetté ». Mais je suis très sensible. Bon, c'est vraiment un hommage merveilleux, là. Non, mais je vous assure, hein, vous savez que ça n'est pas du tout... Non, non, je sais que vous êtes un ami, mais enfin, bon... Mais j'ai pris un plaisir extrême à lire votre livre. Bon, alors je suis obligé d'en faire un autre. Voilà. Ah ben, on ne pouvait pas vous arrêter en si bon chemin. Alors maintenant, j'aimerais, parce que... Bon, oui. Que vous nous... Cuisinez-moi. Contiez quelques souvenirs qui vous ont particulièrement marqué, quelques rencontres ou quelques anecdotes. Ben voilà, j'y ai pensé. Alors, bon, Michel Galabru a disparu. Parce que ça... j'ouvre l'appétit des futurs lecteurs, bien, là, oui. Bien entendu. Alors, je voudrais dire non seulement quelques mots de Galabru, mais aussi une petite mésaventure qui nous est arrivée ensemble. J'aimais beaucoup Michel Galabru, qui avait l'air comme ça un peu bourru, mais qui était un homme absolument délicieux, et puis qui a tourné, il l'a dit lui-même quand on lui a remis son César, qu'il avait tourné énormément de navets, mais que c'était alimentaire, parce qu'il avait sa femme, ses enfants à entretenir, donc il a tourné des navets. Mais c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement les grands textes, puisqu'il avait quand même été sociétaire de la Comédie Française. Et un soir, nous nous retrouvons à dîner chez des amis. Alors, je le connaissais comme ça, parce que j'avais fait de la figuration dans certains gendarmes, entre autres dans le gendarme à New York. Donc, j'avais croisé Galabru, et je ne sais plus si je raconte ça dans ce livre-là ou dans un autre. J'ai eu aussi l'occasion, après, de déjeuner tout seul à la cantine avec Louis de Funès. C'était un moment pas du tout rigolo. Bon, bref, revenons à Galabru, nous sommes à un dîner et puis la conversation roule évidemment sur le théâtre et on évoque Pierre Fresnay et Yvonne Printemps. Pardon. Alors, je replace les choses dans le contexte. À une certaine époque lointaine, j'avais 30 ans, donc ça fait plus de 40 ans, le théâtre de la Michaudière appartenait à Yvonne Printemps et Pierre Fresnay. Le directeur artistique, c'était François Perrier. Et le contrôleur général du théâtre, c'était Claude Villemetz, le fils du célèbre librettiste. Albert. Voilà. Et filleul d'Yvonne Printemps et de Sacha Guitry. Bon. Et moi, je représentais dans ce théâtre la Société des auteurs à l'époque. Donc, j'allais tous les soirs dans le bureau de Claude Villemetz. Et Galabru, lui, jouait une pièce, je ne sais plus laquelle, mais il jouait dans ce théâtre à ce moment-là. Et donc, c'est 30 ans après qu'on raconte ça. Et voilà ce qui se passe. J'allais donc tous les soirs dans le bureau de Claude Villemetz et j'entendais, dans le bureau d'à côté, qui était le bureau de la direction, Pierre Fresnay et Yvonne Printemps, tous les deux. Et Yvonne Printemps arrêtait pas de gueuler, elle était la vulgarité incarnée, même si elle avait été une très jolie femme, et elle disait à qui Pierre... Qui chantait fort bien. Oui, mais et qui faisait chanter aussi, pas mal. Bon. Et elle ne cessait de dire, et tous les soirs, à Pierre Fresnay, vieux... alors j'y vais, hein, j'ouvre les guillemets, vieux con, cabot, mauvais acteur, enfin, des trucs absolument épouvantables. Une vulgarité. Ah oui, et puis aussi des trucs en dessous de la ceinture. Bon. Et moi, j'avoue que ça me surprenait un tout petit peu. Mais je dis, bon, voilà, c'était comme ça. Et un soir, que je faisais les comptes avec Claude Villemetz, Pierre Fresnay, le directeur, rentre dans le bureau de Claude, et Claude fait les présentations, et maître, je vous présente monsieur Dolmetta, la Société des auteurs, etc. Ah, très bien, je suis très content. Alors, vous vous souvenez de Fresnay, qui était quand même un protestant très rigide, très comme ça, et très réservé, extrêmement bien élevé, enfin bon, tout le contraire de son épouse. Et puis, très discret. Et à un moment, moi j'étais un peu culotté à l'époque, je dis « Maître, est-ce que je peux vous poser une question ?» Mais je vous en prie, jeune homme, j'écoutais « Maître, à chaque fois que je viens, j'entends Mademoiselle Printemps qui vous parle et elle vous dit des choses absolument épouvantables. Oh, écoutez, jeune homme, vous avez entendu vieux con, sale cabot, merdeux, etc. Eh bien, vous avez entendu ça, mais moi j'entends « Je t'aime, mon amour ». Extraordinaire. Parce que c'était une vraie histoire d'amour, mais seulement, voilà, il y avait une qui avait un tempérament de feu et l'autre était type très bien. Et elle lui faisait des scènes absolument épouvantables. Ben, si vous voulez, je reste sur ce même sujet. Je sais pas si vous savez ou pas, mais dans les théâtres, le directeur peut donner des amendes. C'est-à-dire, si un comédien a fait une ânerie, on met au tableau de service, dans l'escalier qui mène aux loges, monsieur Gérard Marin, dans l'acte 3, prof, son petit amende. Ne m'étonne pas de lui. De 5 euros. Et. Ils habitaient à Neuilly tous les deux, et tous les soirs, elle avait pas besoin de venir, la mère Printemps, mais enfin, tous les soirs, montaient dans la Buick, et hop, ils arrivaient tous les deux au théâtre, et ils étaient dans leur bureau. Et puis, il y a eu une période, un peu après celle que je vous ai racontée, où j'ai oublié, je crois que ça s'intitulait La Gifle, mais j'en suis pas sûr, où Fresnay a joué une pièce, et il était du premier acte, pas du second, et il était du troisième. Et entre-temps, dans l'histoire, il avait vieilli. Donc, il était du premier acte, il sortait de scène, il allait se maquiller, tranquille, et il avait tout le deuxième acte où il n'apparaissait pas pour revenir au troisième. Et il y avait quelques semaines que la pièce tournait très très fort, Mademoiselle Printemps est tombée malade. Donc, le médecin avait dit, faut pas qu'elle sorte. Alors, le soir, eh bien, lui, il partait tout seul au théâtre, il allait dans leur hôtel particulier de Neuilly. Ce monsieur, qui était plus tout jeune, il jouait son premier acte, il se maquillait pour le troisième, et il fonçait en voiture pour aller embrasser sa femme, pour aller la voir. Et il revenait au théâtre pour finir de jouer. Ah, c'est extraordinaire. Bon, ben voilà, bon, comprenez ça, Gérard. Et bon, au bout de deux jours, Tégui, c'était bien, elle a voulu retourner au théâtre. Alors, comme il faisait avant, en voiture au théâtre, et puis voilà. Et le premier soir qu'elle revient au théâtre, bon, ben lui, il joue son premier acte, et puis il monte dans le bureau pour la voir et reste avec elle pendant une trois quarts d'heure, et puis jouer le troisième acte. Et quand il monte l'escalier au tableau de service, monsieur Pierre Fresnay, qui a quitté pendant une semaine tous les soirs le théâtre entre le deuxième et le troisième acte, devra payer une amende de, je sais plus à l'époque, 200 francs, etc. La directrice, Yvonne Printemps, elle est foutue au tableau de service. C'est inouï. Voilà. Alors, dans ce dîner en ville, on se met à parler d'eux, et moi je laisse parler Galabru, et Galabru, à la virgule près, raconte ce que j'ai dit, pauvre con, machin, et lui dit, j'entends, je t'aime mon amour. Et alors du coup, autour de la table, les gens se sont dit, bon, Galabru raconte pas d'histoire, et l'autre n'en raconte pas non plus. On a raconté la même histoire, voilà, avec Galabru. Alors vous aurez compris, amis auditeurs de Radio Courtoisie, que le livre de Jean-Paul Chériguez de Olmeta fourmille d'anecdotes savoureuses, de rencontres vraiment marquantes, et puis aussi les gens et les lieux inoubliables, vous savez, les décrire à la perfection, avec toujours cette petite pointe ou d'ironie ou de, comment dirais-je aussi, de déception, hein, quelquefois. Oui, mais c'est un peu le côté du théâtre, ça, c'est de regarder un peu derrière le décor. Parfois, on est un peu déçu. Et puis, il y a comment dirais-je, des visites émouvantes que vous faites. Je pense par exemple à cette visite à l'école vétérinaire de Maison Alfort, vous rencontrez les gens qui, de la Ligue de protection des chevaux. Des équidés. Je suis l'un des ceux qui l'ont créé. Et on se réunit une fois par an et ça marche très très bien. Vous savez que nous sommes tous quelque part impitoyables. Il y a des chevaux, je parle de chevaux de course, qui ont rapporté à leurs propriétaires des millions, des chevaux qui ont gagné des très très grands prix, des prix de 500 millions, je parle en francs. Hein. Eh bien, le cheval, parfois, venu très âgé, il était revendu 300 balles à la boucherie. Donc, c'était inadmissible, parce qu'on peut laisser un cheval dans un pré, ça coûte rien. Et donc, il y a eu une prise de conscience il y a des années, où on a créé cette association, et la société d'encouragement prête des vents, donne un peu d'argent. La société de trop, elle ne le fait pas, mais enfin, c'est autre chose, c'est peut-être parce que j'y appartenais. Et il se trouve que si vous avez une maison avec un grand pré, si vous voulez, un très très grand jardin, vous pouvez adopter un cheval âgé, et à condition de le laisser tranquille dans le pré, et qu'on lui mette juste un tout petit truc pour qu'il s'abrite quand il pleut. Et s'il y a des frais de vétérinaire, c'est l'association en question qui les prend en charge. Le transport du cheval pour l'amener chez vous, c'est pareil. Bon, après, si c'est un très très vieux cheval qui a 27 ans, vaut mieux le laisser tranquille. Mais on le laisse comme ça, puis il finit par mourir de sa belle mort. Et ça coûte pratiquement rien du tout, mais les, et puis en plus un cheval, c'est pas très compliqué, hein, du moment qu'il a de l'herbe et de l'eau, ça va très bien. Et il y a comme ça beaucoup de chevaux qui ont été sauvés du couteau. Mmh. Et c'est quand j'ai raconté ça à Char qu'elle a eu l'idée de la couverture où suis dans un restaurant, ce qui est mon truc aussi, mais à table avec des chevaux. Alors, amis auditeurs de Radio Courtoisie, donc, mon libre journal par Jean-Paul Chériguez de Olmeta, publié chez Via Romana pour la somme fantastique, je sais pas, oui, de 25 euros. Il faut dire que samedi prochain, oui, alors, cher Jean-Paul, vous allez signer ce livre. Je vous dis ça tout de suite. Samedi, alors ça m'ennuie un peu parce que je vais être écartelé entre le club de l'horloge et voilà, je ne peux pas être partout. Bon, je suis partout, mais je ne peux pas tout le temps. Alors, je serai le samedi 16 janvier 2016 à partir de 15h à la librairie Notre-Dame de France, 33 rue Galande, Paris 5e. Métro Saint-Michel ou Maubert Mutualité. Voilà. Où je signerai ce livre. C'est cette librairie où notre ami Jean Descartes, il y a peu. Eh ben, il était le samedi dernier. Voilà, signait son dernier ouvrage sur la famille impériale de Russie. Et j'ai eu plaisir à y aller parce que je. Entre confrères, entre guillemets, c'est des choses qui se font. J'étais très heureux de voir qu'il y avait beaucoup de monde, quand même. Alors, pour continuer à ouvrir un petit peu, on s'arrêtera là. L'appétit des auditeurs de Radio Courtoisie, futurs lecteurs. Une dernière anecdote, alors là, moi j'avoue que j'ai été sidéré, c'est sur le mariage du siècle. Ah oui. Le duc de Windsor Wallis Simpson. Wallis Simpson. Moi, dans mon enfance, j'ai, comme tout le monde, été bercé par la légende, la grande histoire d'amour du siècle, ce brave roi qui renonce à la couronne par amour. Alors qu'en réalité, comme il avait des idées un petit peu nazies, enfin un petit peu, je suis modeste, Churchill voulait essayer de l'éliminer. Et Dieu merci, cette femme est arrivée. Donc on a eu le prétexte. Et si vous voulez l'épouser, sire, eh ben il faut. Bon, voilà. Donc ça a été réglé. Et moi, j'ai connu dans mon enfance, le duc et la duchesse de Windsor, qui était vraiment des cloportes qui ne servaient à rien du tout. Non, mais vous avez des gens qui sont oisifs, mais qui vont dans des charités, etc. Or, moi, je me souviens j'étais tout gamin, mon beau-père m'avait emmené d'une générale au Lido, l'ancien Lido, celui qui était en bas des Champs-Élysées, pas celui-là. Il y avait le duc et la duchesse de Windsor, ils étaient posés comme deux cariatides, et tout le monde venait mais c'est bon. Et donc, je les ai croisés des dizaines de fois. Et un soir, j'ai beaucoup de peine pour le duc et un grand mépris pour cette femme. C'était chez Rasputin. Alors, chez Rasputin, il y a les violons, les chachliks et machin, enfin tout, c'est le grand jeu. Et puis on danse à un moment. Et le duc et la duchesse étaient comme deux parures de cheminée à leur table. Ils se disaient pas un mot, ni rien du tout. Lui en smoking, ça, comme l'air. C'est tragique. L'air complètement absent. Elle, faisait plus pute que duchesse. Et à un moment, il y a une espèce de gigolo argentin que tout Paris connaissait qui vient l'inviter à danser. Bon, alors elle va danser, et puis ça dure 20 bonnes minutes, et d'un seul coup, moi j'étais à la table à côté avec mon beau-père, et on voit la duchesse et le gigolo argentin qui passent devant la table du duc, sans rien dire, et qui foutent le camp. Et le duc, pas fou, se dit « bon, ça y est, il a compris ». Et j'ai vu cet homme qui a failli être roi d'Angleterre pleurer. Mais il n'a pas sorti son mouchoir, il pleurait dans le seau à champagne. C'est un souvenir d'enfance qui m'a marqué. Alors, un peu plus tard quand même, quand elle est morte, la duchesse, j'avais rien à lui pardonner, mais je lui ai trouvé quand même qu'elle avait eu de bons côtés, puisque avant de mourir, elle a légué tout ce qui lui restait, et c'était beaucoup de bijoux de chez Cartier à l'Institut Pasteur. Donc on va lui pardonner un tout petit peu. Mais c'était vraiment deux cloportes, deux parasites qui servaient à rien du tout, qui étaient logés aux frais de la princesse généreuse France. Leur hôtel particulier du champ d'entraînement au bois de Boulogne, c'était un franc de loyer symbolique, point barre. Et c'était somptueux l'endroit. Et c'est le grand milliardaire égyptien qui l'a racheté, là, parce qu'il voulait l'offrir à son fils et à Lady Diana. Mais il l'a racheté en disant « je vais en faire un musée ». Et puis il n'en a pas fait un musée. Donc cet hôtel particulier est en train de pourrir. Voilà. Enfin voilà, amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous avez bien compris que le livre de notre ami Jean-Paul Chériguez de Olmeta est absolument truffé d'anecdotes, de révélations. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi la croisière à Sainte-Hélène avec Jean Tullard. Ah oui, j'ai apprécié le récit que vous faites du voyage de l'obélisque de la Concorde offert à Louis-Philippe. Enfin, écoutez, il y a de tout. Il y a du drôle, de l'émouvant. Voilà, c'est un livre à lire, je l'ai dit, à déguster. Voilà. Alors, pour une auditrice qui a mal entendu, donc Jean-Paul Cherguez d'Olmeta, c'est bien Monseigneur Di Falco, évêque de Gap, que vous avez évoqué tout à l'heure. Monseigneur Di Falco, évêque de Gap, qu'on appelle la petite sœur des riches, et qui est l'évêque de l'évêché le plus crotté de France. L'évêché de Gap, c'est le plus petit évêché. C'était la punition qu'il a eue quand Monseigneur Lustiger s'est passé de ses services. Parce que je sais, cher Jean-Paul, que vous avez la dent dure. Mais le cœur tendre. Ah, c'est sûr. Ça sera mon dernier mot. Un peu trop d'ailleurs, parfois. Pour ce soir. Merci en tout cas pour votre livre. Et je vous dis, moi, c'est vrai, quoi. Je me suis régalé en le lisant. Bah, écoutez, voilà. Bien, alors, j'ai le grand plaisir maintenant de recevoir François De Witt. Bonsoir. L'auteur, je l'ai dit tout à l'heure, d'un livre fascinant, La preuve par l'âme, dont le sujet peut se résumer en trois mots. Le grand questionnement. Cet ouvrage a l'ambition en effet de répondre, ou d'essayer de répondre, par des investigations aussi audacieuses que rigoureuses, aux questions essentielles que se pose l'homme depuis la nuit des temps. Notre vie a-t-elle un sens? Ne sommes-nous faits que de matière, y compris notre prodigieux cerveau? Ou avons-nous une conscience, un esprit matériel, distinct, voire une âme immortelle? Et si notre existence ne finit pas avec la mort, est-il possible d'explorer cet hypothétique autre monde? J'ai déjà consacré, voici quelques années, avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier et le père Brune, le docteur d'ailleurs Jean-Jacques Charbonnier qui vient de publier, après son célèbre « Sept bonnes raisons de croire à l'au-delà », qui vient de publier un nouveau livre qui s'intitule « La mort expliquée aux enfants ». Donc, j'ai déjà consacré une émission à ces interrogations scientifiquement incorrectes, mais passionnantes. C'est l'actualité qui me pousse à y revenir. Et oui, avec d'une part le rappel des derniers vœux du président Mitterrand aux Français, je crois que c'était fin 1995, « Je crois aux forces de l'esprit ». Ça avait beaucoup, beaucoup marqué l'opinion, qu'il soit pour ou contre Mitterrand. Les gens de vraiment, même les opposants politiques, ont été assez touchés par cette phrase « Je crois aux forces de l'esprit ». Donc, et d'autre part, la sortie du dernier album de Michel Delpech, dont une chanson joliment mélancolique dit ceci. « Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon père. Voici mon âme, séchez vos larmes, mes frères. Je m'en vais où brille la lumière. » C'est une fort jolie chanson. Et puis, cette preuve par l'âme est un bel acte de résistance. C'est pour ça qu'il trouve sa place dans mon libre journal de la résistance française. C'est un bel acte de résistance au nihilisme, à l'athéisme et au matérialisme qui détruisent à petit feu notre civilisation chrétienne. C'est aussi, amis auditeurs de Radio Courtoisie, c'est aussi un puissant cri d'espérance. Voilà comment j'ai ressenti la lecture de votre ouvrage, François De Witt. Alors maintenant, j'aimerais que vous vous présentiez aux éditeurs de Radio Courtoisie, dites qui vous êtes et ce que vous avez fait dans votre existence professionnelle. Moi, je vous ai connu comme directeur, c'est assez extraordinaire, d'un journal économique auquel j'étais abonné qui s'appelait Mieux vivre votre argent. Oui, j'ai fait ça par exemple. Voilà. Alors c'est quand même assez extraordinaire de se dire, vous êtes polytechnicien. Vous avez quand même un très gros bagage scientifique. Et je me suis dit quand même, c'est assez extraordinaire de voir comment un journaliste d'investigation d'abord socio-économique et un peu scientifique en est arrivé à écrire un livre comme La preuve par l'âme. Alors on vous écoute. Je suis le premier étonné d'avoir écrit ce livre, pour tout vous dire. Mais disons que je crois que j'étais 40 ans journaliste économique et financier, comme vous l'avez dit. J'ai beaucoup enquêté et donc il y a des techniques d'enquête. Il faut aller se renseigner, il faut lire des bouquins, des rapports, il faut interroger des gens et il faut se faire une opinion. Et on essaye d'avoir un certain discernement. Et le fait d'avoir beaucoup mené l'enquête a fait que je suis convaincu aujourd'hui qu'on peut enquêter sur n'importe quoi quand on a un peu la méthode. C'est-à-dire la preuve, juste pour l'anecdote, je viens de publier un article sur les Navarros dans Géo. Vous voyez, donc on peut enquêter absolument, sur, oui. À condition de suivre le sujet. Alors pourquoi l'âme ? En fait, d'abord, ça fait depuis toujours que je suis convaincu que nous ne sommes pas uniquement la somme de notre inné et de notre acquis. Ce débat que je trouve épouvantable, stérilisant, si vous voulez, tellement matérialiste, nous ne serions que le produit de nos gènes et de notre culture. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Et je pense que chacun d'entre nous peut se dire, est-ce que je n'ai pas quelque chose à moi, vraiment ? J'ai quelque chose à moi qui raconte des histoires comme vous, monsieur, de votre vie. J'ai quelque chose à moi qui participe d'une manière ou d'une autre à une société. Et donc, je pense qu'on peut imaginer l'existence de l'âme uniquement par le fait que nous sommes chacun une individualité qui a cette conscience de soi. C'est donc l'aboutissement d'un travail de réflexion. Donc voilà. Mais disons que ça c'est la manière de présenter l'âme par élimination, en se disant il y a ça en plus, c'est une composante supplémentaire de notre être. Mais alors ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que toute ma vie, j'ai été passionné par ce qu'on appelle le paranormal, le parapsychologique, etc. Et j'ai toujours considéré ça comme plutôt normal. Et je lisais, ma sœur me lisait les contes d'Edgar Poe dans mon lit quand j'avais 7 ans. Et j'avoue que j'en dormais pas la nuit. J'ai commencé de cette manière-là. J'ai lu tous les livres sur les diableries. J'étais élevé aux États-Unis et là-bas, ils adorent ce genre de littérature. Et à l'âge de 20 ans, j'étais un spécialiste, je pense, à la fois de la littérature étrange, surnaturelle, etc. Et aussi des techniques surnaturelles. La parapsychologie m'a toujours intéressé. Et à 20-25 ans, je faisais tourner les tables. Il y a même une table tournante qui a prédit à celle qui est devenue ma femme qu'elle allait m'épouser. Tout ça, ça m'a jamais dérangé. J'ai jamais été du tout dans cette espèce d'agressivité. Et ça ne vous a pas étonné outre mesure? Non, pas du tout. Donc, si vous voulez, j'ai toujours été ouvert à ce genre de phénomène. Et ça simplifie beaucoup les choses, si vous voulez, parce qu'on se dit, eh bien, c'est possible que ça existe. Alors, comme vous l'avez rappelé aussi, je me suis toujours, comme beaucoup d'entre nous, posé la question, pourquoi je suis là ? Quel est le sens de la vie ? Et j'ai découvert, en menant l'enquête sur l'âme, ce qui est extraordinaire, juste pour l'anecdote, c'est que dans ce bouquin, il doit y avoir 20% de ce que je savais déjà quand je l'ai écrit. Il y a 20% d'expérience personnelle aussi que je décris. Mais il y a 60% que j'ai découvert en l'écrivant. Comme si le livre se révélait à moi progressivement au fil des pages. À mesure que vous avanciez dans votre quête, découvriez de... J'ai passé des heures et des heures sur Google à chercher des mots-clés, à voir qu'est-ce que Nietzsche, par exemple, pouvait penser de l'intuition. Ça a l'air complètement fou, mais c'était passionnant. Parce que j'ai voulu voir quelle était l'attitude des grands psychologues et aussi des grands philosophes vis-à-vis de l'intuition. Et d'ailleurs, ne serait-ce que le psychologue. La psychologie, c'est l'étude de l'âme. C'est pas autre chose que ça, en termes exactement dans le texte, si vous voulez. Et peu à peu, votre conviction, nous avons bien une âme, votre conviction est devenue une certitude. Oui, en plus, si vous voulez, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que nous avons... J'essaye de démontrer, mais la démonstration, je la fais pas de manière mathématique. La démonstration aujourd'hui se fait par l'existence évidente d'une après-vie. mais évidente. Il y a des quantités, des millions de gens qui ont fait les expériences de mort imminente, dont Jean-Jacques Charbonnier est un grand spécialiste. Et même de mort provisoire. Là, j'ouvre une parenthèse rapide, parce que à ce micro est venu récemment le docteur Patrick Tellier invité par mon jeune confrère Hugues Serragnon, justement, qui a fait des révélations absolument extraordinaires. D'ailleurs, je signale tout de suite à Hugues Serragnon, qui croyait aborder ce problème pour la première fois sur les ondes de Radio Courtoisie, que justement, il y a quelques années, je l'avais traité avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier avec le père François Brune, l'auteur célèbre, parce qu'il est même passé sur les grands médias, le père Brune, l'auteur célèbre de « Les morts nous parlent ». Donc, ferme la parenthèse. Et là, il y a vraiment d'ailleurs un questionnement pour, je dirais, les chrétiens, et je dirais même pour les autorités religieuses. Vous êtes confession protestante. Moi, je suis protestant, si vous voulez, effectivement. Mais je trouve que l'idée que l'on puisse dialoguer avec des morts ne me choque absolument pas. Dès lors que leur existence paraît validée, je ne dis pas prouvée, mais validée par des quantités de récits, par des livres entiers. Il y a un jeune homme, par exemple, Georges Moranier, dont personne n'a entendu parler, sauf les gens qui s'intéressent au sujet, qui est mort à 29 ans, qui a communiqué avec sa mère pendant 15 ans, elle a écrit 7 livres de propos de Georges Moranier, qui en plus avait une formation scientifique. Donc c'est très intéressant, parce qu'il essaye de nous faire comprendre comment fonctionne ce qu'il appelle l'énergie spirituelle, et c'est tout à fait passionnant, passionnant. Et il est même convaincu, ces bouquins, il les a écrits ou dictés entre 1980 et 95, et il est même convaincu que la science va trouver cette énergie. Je pense que c'est pas du tout idiot de le penser. Donc, et vous citez aussi le cas de Philippe Ragneau, que j'ai bien connu en Algérie quand il était directeur de l'information, qui était un homme qui n'avait rien d'un illuminé, qui avait les pieds sur terre, qui ne croyait ni à Dieu ni à diable, qui était vraiment... Et cet homme-là était amoureux fou de sa femme, qui était une vedette de la télévision, et la malheureuse est morte, jeune, et Philippe Ragneau, à son grand étonnement, lui qui ne croyait absolument pas à toutes ces choses-là, a communiqué un certain nombre d'années avec son épouse. Je crois que c'est justement un des points très intéressants, c'est qu'il y a quantité de gens normaux, ordinaire. Moi, je me considère comme quelqu'un de normal. Je suis pas un fou furieux. Une quantité de gens qui ont vécu des expériences paranormales et qui les racontent dans les livres. Il y a des livres magnifiques qui ont été écrits par simplement des gens qui se sont découverts un don médiumnique ou, disons, une capacité à aider les autres. Et si vous voulez, le mot clé qui est derrière tout ça. Et c'est ça qui est merveilleux quand on est chrétien. C'est que le mot clé derrière tout ça, c'est l'amour. Et en fait, ce dont je suis convaincu, et parce que j'ai beaucoup, beaucoup étudié le sujet, mais j'ai pas été me promener encore de l'autre côté, évidemment, et pas beaucoup de gens à ma connaissance qui en reviennent pour en parler, mais il est clair que le monde d'où nous venons, c'est très important, d'où nos âmes viennent, est un monde d'amour, un monde de bienveillance, c'est extraordinaire. Alors, vous dites à la page 9 de votre livre, que j'ai lu, comme tous les livres dont je parle avec extrêmement... d'attention, vous dites « Avant que l'univers n'apparaisse, il existait une entité immatérielle, impalpable. » Alors, oui, j'ai mis sûr. Même comme commentaire sur ma fiche, cette affirmation va faire hurler les scientifiques. Mais enfin, et alors, ce qui m'a évidemment profondément étonné, c'est quand vous notez, après avoir fait des recherches, parce qu'il y a une bibliophilie à la fin de votre ouvrage extrêmement riche, vous avez lu un nombre considérable d'ouvrages, et vous notez que le cerveau ne gouverne pas tout. Ça, et finalement, que le cerveau ne produit pas la conscience comme le foie produit la bile. Ça, c'est une chose qui est extrêmement difficile à comprendre et à admettre, que la conscience est distincte, finalement. Mais alors, ce qui est passionnant, justement, ça, c'est un point... Du seul cerveau. Merci de l'avoir noté, qui est tellement important et tellement... inattendu, parce qu'on est convaincu que effectivement c'est dans les neurones et les relations entre les neurones que tout dépend du cerveau, l'esprit, le mental, l'âme, etc., que c'est le cerveau. Mais c'est absurde, parce qu'en fait c'est quelque chose de Par exemple, il y a des Français qui sont en train d'étudier ça très sérieusement, des rationalistes, et qui étudient, disons, les conglomérats neuronaux du cerveau, ils appellent ça comme ça, et qui essayent de démontrer comment le cerveau produit une pensée ou produit la conscience d'exister. Mais à mon avis, ça ne peut pas aboutir, parce que on peut toujours trouver des traces, par exemple, d'une pensée, quelqu'un émet une pensée, on va trouver des conduits, disons, neuronaux, des conduits électriques qui vont retracer le cheminement de cette idée, mais n'empêche qu'on ne saura jamais comment, on saura juste comment ça s'est passé et pas pourquoi. Donc on ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, la vérité qui aujourd'hui commence à s'imposer auprès d'un certain nombre de neurospécialistes, c'est que la conscience est un élément de composition de l'univers, comme le temps, comme l'espace, comme la masse. Et alors donc, c'est une découverte en voie d'être faite. Et là, c'est passionnant, c'est considérable. Et ça veut dire que cette conscience qui, heureusement, nous les êtres humains, on en a beaucoup. On a accès à beaucoup de conscience. Mais si vous voulez, les chiens, les chats ont accès à de la conscience. Il semblerait bien que les plantes aient accès à la conscience. Il est vraisemblable que nos cellules ont une part de conscience. Pourquoi ? Parce que comment se fait-il qu'elles arrivent à produire des différents types de cellules alors qu'on part d'un petit noyau, de l'œuf primordial, il va créer des cellules du foie, des cellules du sang, des cellules de la peau. C'est totalement extraordinaire. Donc je pense que c'est à travers cette idée que le cerveau ne produit pas la conscience, qu'il la filtre, qu'on va remonter, si je puis dire, à l'étage au-dessus. Et à la limite, moi, ça ne me dérange pas du tout que des athées s'intéressent à ce sujet, s'ils veulent bien le faire, mais à condition qu'ils disent « on cherche la source ». Ils n'ont pas besoin de parler de Dieu. Oui. Un chrétien dira « c'est Dieu ». Et moi, pour moi, Dieu est une évidence, mais ce que je dis, c'est que ça ne me dérange pas du tout qu'on dise qu'il y a une source. Et là, à partir du moment, excusez-moi pour terminer, où on vient de cette source, bien, on ne vient pas sur la Terre pour rien. Et qu'est-ce qu'on vient faire ? Moi, c'est ma conviction que j'ai tirée de ce livre, c'est que nous avons un projet de vie. Notre âme a un projet de vie et qu'on ne le réalise pas toujours. Et ce projet est forcément, d'une manière ou d'une autre, un projet d'amour. Alors si la conscience est distincte précisément du cerveau, on peut admettre effectivement qu'elle peut survivre d'une certaine façon, absolument, totalement inimaginable en tout cas actuellement, mais qu'elle peut survivre d'une certaine façon à la mort du cerveau et à la mort du corps. Absolument. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je me souviens très bien de la remarque que faisait le père Brune, hein, quand il parlait des expériences, des explorations qu'il avait accomplies, et qui disait qu'elles soulèvent la méfiance et le scepticisme de l'Église. Il ne comprenait pas pourquoi. Oui. Il s'étonnait ainsi en disant « c'est curieux, l'Église enseigne l'éternité hein, ». Vous êtes protestant, mais à la messe, je crois, on n'a pas le droit de la valider. La vie éternelle, mais elle n'accepte pas qu'on puisse la vivre et entrer en communication avec l'éternité. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. À la messe, je crois, la vie éternelle, mais dès qu'on dit il ne faut pas évoquer ce problème. Je suis beaucoup plus chrétien depuis que j'ai écrit ce bouquin qu'avant. Ça m'a consolidé dans mes convictions. Donc c'est ça que je trouve. Et effectivement, si on savait, si on laissait, si on ouvrait la porte, si je puis dire, la communication avec l'au-delà, eh bien, ça modifierait certainement pas mal de choses, mais ça ouvrirait beaucoup d'espoir aux gens. Et surtout de dire que la vie éternelle est une vie qui peut être très belle. Et si vous voulez, dans la doctrine chrétienne, très honnêtement, la manière dont on envisage l'après-vie, c'est pas très clair. Écrit le plus là-dessus, c'est saint Thomas d'Aquin, et il est pas très convaincant. La vie de l'âme après la mort physique, franchement, c'est un peu flou. Alors que toutes les expériences de gens qui font l'expérience de mort imminente, toutes les expériences de communication avec l'au-delà, nous montrent qu'il peut y avoir une très riche vie dans l'au-delà. Il y a du mauvais aussi, hein, parce qu'attention, il y a du mal, n'y a pas de diable, en revanche. Moi, je suis contre le diable. Je suis grand spécialiste du diable. J'ai lu à peu près tout ce que je pouvais sur le sujet. Je dis très honnêtement, eh bien, je n'y crois plus. Le diable, c'est une invention humaine, mais le mal existe parce que l'homme a le libre arbitre, donc il a le droit d'être mauvais comme il a le droit d'être bon. Alors, dans votre livre, parce que c'est un livre extrêmement riche, hein, il faut le dire, on apprend énormément de choses. Alors, les quatre hypothèses dont vous parlez, c'est pas de saint Augustin, c'est de saint Thomas d'Aquin. Non, saint Augustin avait quatre hypothèses sur l'âme. Ah, c'est bien saint Augustin, les quatre hypothèses sur l'âme. Vous parlez aussi de l'âme, c'est très intéressant, vu par les autres religions. Ce n'est pas rien. Et puis, il y a un point qui m'a beaucoup interpellé, comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui. Et quand vous notez que le cerveau ne gouverne pas tout, vous évoquez assez longuement, d'ailleurs, le rôle du cœur. Oui. Et vous parlez, ça c'est très très intéressant, du changement qui se produit chez certains greffés du cœur. Oui. Et vous donnez comme exemple une greffée du cœur célèbre, et l'actrice Charlotte Valandré. Oui, ça, c'est assez extraordinaire. Et alors, justement, ça a été une des grandes découvertes pour moi de ce livre, parce que j'étais convaincu aussi par des lectures, parce que j'aime beaucoup certains écrits hindouistes, et notamment un grand penseur qui s'appelle Aurobindo. Et Aurobindo, comme la plupart des hindouistes, situe l'âme dans le cœur. Nous, on est très corps, âme, esprit. Et à mon avis, c'est qu'on est trinitaire, les chrétiens. Et je pense que l'esprit communique par le cerveau, et je pense que le cœur communique par l'âme communique par le cœur. C'est-à-dire que c'est pas verbal, mais l'âme est le siège des émotions. Et alors les hindouistes situent l'âme non pas dans le cœur physique, mais juste à côté, dans ce qu'on appelle le chakra du cœur, et qui est une petite roue qui tourne en permanence et qui est une roue qui nous lie à l'énergie universelle. On n'est pas obligé de croire à ça. Moi, je pense que c'est pas idiot du tout. Et en tout cas, ce que j'ai découvert en écrivant le livre, c'est que les gens qui ont une greffe du cœur, eh bien, ils sont changés. C'est-à-dire que le cœur dont ils ont hérité va les modifier. Et alors, Charlotte Valandré, son expérience est très intéressante parce que elle a découvert tout d'un coup, elle aimait les tartes au citron. Alors, pourquoi les tartes au citron et le vin, alors qu'elle ne buvait jamais de vin? Il y a des expériences beaucoup plus impressionnantes que ça. Il y a une Américaine qui a retrouvé son donneur, enfin qui a eu le même genre de symptômes, mais qui a retrouvé son donneur en lisant les journaux, en apprenant la mort d'un jeune homme qui aimait un certain nombre de choses dont elle s'est découverte le goût. Il y a une petite fille américaine qui a retrouvé à laquelle on avait greffé le cœur d'une jeune fille qui avait été assassinée, évidemment à son insu. Eh bien, elle a rêvé de l'assassinat, elle a rêvé de l'assassin, on a retrouvé l'assassin, il a avoué, il était écroué. Donc, si vous voulez, et ça, c'est un truc dont on parle jamais en France, parce qu'en France, on va vous dire, le cœur, ce n'est qu'une pompe. Ah, ça, c'est Monsieur Claude Bernard, il a dit ça en 1990, et c'est vérité révélée. Eh bien, je trouve que c'est un peu court, et que quand on fait une greffe du cœur... C'est un peu court, jeune homme. Et je pense que, si vous voulez, ça c'est de l'eau à mon moulin, mais je crois surtout l'idée qu'effectivement, nous avons via le cœur ce contact très personnel avec l'éternité, et nos goûts. Je prends un exemple, la musique. Dans tous les récits sur l'au-delà, il y a de la très belle musique. La musique est un massage de l'âme, je suis 100% convaincu de ça. Et moi, je sais très bien que j'écoute de la belle musique, j'ai les frissons partout. C'est des frissons, c'est un petit message que je reçois. Et je suis convaincu que quand je vois un beau paysage, pourquoi est-ce qu'on aime les couchers de soleil? C'est beau comme tout. Eh bien, si vous voulez, c'est un moment, ou les levers de soleil d'ailleurs, c'est un moment de le rythme de la vie où je pense que l'âme, elle s'exprime, elle est bien. Si vous voulez, donc je crois que c'est, et on retrouve ça, c'est la lumière justement, et le soleil, c'est ça. Parce que je pense que dans la vie de l'au-delà, il y a deux éléments fondamentaux, qui sont la lumière et la musique. Et tout le monde, tous les récits de l'au-delà nous le confirment. Et je me dis, c'est parce que les âmes sont bien avec ce genre d'environnement. Et d'ailleurs, Pythagore, qui est un des premiers à s'être posé ce genre de questions, c'est un homme de son, c'est un homme de notes de musique. Il était obsédé par la musique et par les vibrations musicales. Donc je pense que là... Alors le cœur, excusez-moi, juste un détail, c'est qu'on a découvert, il y a un institut américain qui a fait beaucoup de travaux là-dessus, il a découvert que, contrairement à ce que dit la science, qui dit que le siège de nos émotions est dans le cerveau limbique, eh bien, il a découvert en branchant des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes sur des gens et en leur envoyant des messages extrêmement forts sur le plan émotionnel, il a découvert que c'est le cœur qui recevait le message en premier, il envoie un signal au cerveau qu'il renvoie au cœur. Donc, l'idée que le cœur est un organe qui a une certaine autonomie par rapport au cerveau, et c'est d'autant plus vrai qu'il y a plein de neurones dans le cœur, eh bien, c'est une idée qui commence à tout petit peu à faire son chemin, mais dont je suis convaincu qu'il y a beaucoup, beaucoup à tirer. Parce qu'on a là, on a les traditions orientales qui rejoignent, enfin, les travaux scientifiques contemporains rejoignent des traditions orientales ancestrales. Il faut nous identifier, cher Michel. Alors, chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, qui reçoit cette seconde partie François De Witt, journaliste d'investigation et polytechnicien, pour son livre « La preuve par l'âne » aux éditions Guy Trédaniel. Voilà. Un livre sous-titré « Un polytechnicien démontre notre immortalité ». Alors, il y a des gens qui n'ont pas l'idée, mais enfin... Vous expliquez bien comment vous avez travaillé. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Je pense qu'il est intéressant de vous citer. J'ai donc mené l'enquête en bon tâcheron. J'ai interviewé un peu. J'ai aussi beaucoup lu d'innombrables ouvrages fascinants sur des sujets aussi divers que la biologie, la mécanique quantique, la vie après la mort, la théologie, la philosophie, le paranormal, les neurosciences ou la théorie du tout. Mais surtout, j'ai passé des journées entières sur cet outil spectaculaire qui ne faisait pas partie de ma panoplie de journalistes. Je pense évidemment à Internet et plus particulièrement au moteur de recherche Google, dont je reconnais pleinement l'apport inappréciable pour qui a soif de connaissances. On trouve tout sur Google, le bon, le moins bon, le délirant et le structuré, la thèse et ses critiques, souvent constructives, pas toujours convaincantes. Car la règle veut qu'un bon journaliste d'enquête ne s'en laisse pas compter. Il doit se former un jugement sinon objectif, ce qui est impossible, du moins circonstancié. Et ça, vous le prouvez parce que à la page 166 de La preuve par l'âme, vous vous faites un peu l'avocat du diable en apportant, comment dirais-je, des explications rationnelles à ces fameuses expériences de mort imminente ou de mort provisoire. Mmh. Parce que j'ai vu que le docteur Charbonnier préfère employer le mot maintenant. Oui, qui est bien, parce qu'on n'est pas vraiment mort, si vous voulez. De mort provisoire. Ouais. Et le docteur Patrick Tellier, à l'émission de Yves Serragnon, qui était le journal des lycéens, si ma mémoire ne me trompe pas, le docteur... Tellier, Patrick oui. Tellier avait dit... oui, alors lui disait, moi, je ne parle que des expériences de mort clinique. Mm-hmm. Les faits que je rapporte ont été constatés avec des gens morts cliniquement, donc morts réellement. Non, mais docteur Tellier... Pas morts métaphysiquement... Mais mort cliniquement. Je pense que électroencéphalogramme plat, voilà. Absolument. Mais docteur Tellier fait un travail formidable parce que si vous voulez, il faut savoir que c'est l'homme qui note tous les miracles de Lourdes. Oui. Et donc je trouve d'abord ça prouve qu'il est ouvert au surnaturel, si je puis dire au sens le plus large du terme. Mais en plus je trouve ça formidable qu'un homme comme lui prennent le parti des expériences de mort imminente, parce que c'est... on attend des gens comme lui sur ce genre de terrain, vous comprenez ? Parce qu'il faut arrêter les démonstrations, disons, des rationalistes pour nous dire que tout ça, c'est de l'hallucination, ou c'est on a été privé de sang, ou bien on a des... C'est ce que vous dites, d'ailleurs, à la page 166, expliquez qu'on peut trouver... On essaye de trouver... c'est pas convaincant, si vous voulez, c'est ça le problème. C'est pas du tout convaincant. Et je prends un exemple, si vous voulez. Ce qui est fascinant, en revanche, je prends un exemple. Dans la première histoire de mort imminente a été vécue par un jeune Américain et qui l'a raconté, qui est devenu professeur de psychiatre, qui est devenu psychiatre et qui l'a raconté à Raymond Moody, l'homme qui a écrit la vie après la vie. Eh bien, et c'est la première histoire que Moody a connue. Ce jeune homme, il avait une fièvre de cheval, il avait 41,7 degrés de fièvre, il était sous son lit d'hôpital, mais il était obsédé à l'idée qu'il fallait qu'il prenne le train pour aller à Richmond, pour aller suivre un cours de médecine, parce qu'il voulait être médecin, il était chez les militaires. Eh bien, ce jeune homme est allé se promener, littéralement, il est allé à 800 km de là, dans un bistrot, où il a essayé d'interroger les gens, personne ne l'a vu. Il n'était pas, c'était son âme ou disons son esprit qui se baladait là-bas. Il a retrouvé le village, il a retrouvé le bistrot, mais il est allé là-bas, il est revenu dans son corps. Mais ça a l'air complètement fou. Il est revenu dans son corps et les médecins avaient décidé qu'il allait le mettre à la morgue. Et il a revécu. Et c'est Moody qui raconte ça. Il a raconté ça à Moody en termes tout à fait simples. Pourquoi est-ce qu'il va raconter une énorme histoire comme ça? Et ce que ça démontre, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, mais j'y ai pensé depuis, c'est que quand nous sommes... Notre âme peut se promener. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand notre corps est au repos, en général. C'est-à-dire que quand on dort, eh bien, les rêves, il est très vraisemblable que les rêves soient en grande partie des pérégrinations de l'âme, si je puis dire. Et c'est tellement vrai que les psychologues qui devraient étudier l'âme et qui étudient en fait le cerveau, eh bien, les rêves, ça leur donne des idées. Mais imaginez, vous savez, il y a des tas de gens qui disent, tiens, cette maison, ils rentrent dans une maison, ah, mais je la connais. Oui, l'impression d'avoir été le déjà-vu. Le déjà-vu. Eh bien, le déjà-vu, en général, les gens pensent que c'est parce qu'ils l'ont vu dans une vie antérieure. Moi, ça me paraît assez fumeux. C'est pas du tout probable. Ce qui est le plus probable, c'est qu'une nuit, ils ont rêvé, ils ont été dans cette maison, et quand ils la retrouvent physiquement, eh bien, ils ont gardé un petit souvenir de ce rêve dont on n'est pas supposé se souvenir. Mais là, vous parlez de ce phénomène quand même assez extraordinaire, assez étonnant, de décorporation. Et justement, le docteur Patrick Tellier, à l'émission de Hugues Serragnon, a fait un récit qui est, je veux dire, incontestable de l'existence de cette décorporation. Oui. C'est la confidence d'une patiente qu'on opérait de je ne sais plus quoi. Ah oui, ça, Et qui a raconté après, elle était aux limites de la mort, on l'a ramenée à la vie, et elle a raconté après, eh ben, je me suis vu au-dessus de la table d'opération, le chirurgien était penché sur moi, et j'ai remarqué, il était en train donc de m'opérer, et j'ai remarqué qu'il avait dans le cou deux grains de beauté. Oui, oui. Et quand elle a été ramenée, évidemment, à la vie, elle a raconté ça à l'infirmière en disant, écoutez, voilà ce que j'ai vu. J'étais au-dessus de la table d'opération et j'ai vu que le chirurgien qui m'opérait avait dans le cou... Ça ne s'invente pas, des choses comme ça. Elle a vu ce qu'elle ne pouvait pas voir, normalement, allongée où elle était. L'infirmière a dit, mais ce n'est pas possible. Ils ont regardé, ils ont vérifié. Et bien, le chirurgien avait réellement deux grains de beauté dans le corps. Mais il y a une autre histoire absolument extraordinaire. Il y a une Mexicaine qui travaillait à Seattle, qui était emmenée à l'hôpital, qui a vécu une expérience de sortie de son corps. Et qui, quand elle est revenue dans son corps, elle a dit, j'ai aperçu une chaussure de tennis au troisième étage de l'hôpital. Alors qu'elle était au sous-sol. Et elle a décrit la chaussure de tennis. Elle a dit, elle est un peu usée sur le dessous, etc. Eh bien, il y a une assistante sociale qui était totalement dubitative, qui est allée quand même vérifier, qui a trouvé cette chaussure de tennis au troisième étage. Vous ne pouvez pas avoir une chaussure de tennis si vous êtes encore dans votre corps matériel. Ça prouve quoi? Ça prouve, en fait, et ça sera probablement la grande explication, mais je n'ai pas eu le temps de parler de ça dans mon livre, ce que les orientaux nous disent, c'est que nous avons un corps éthérique. C'est un corps qui ressemble à un corps physique et qui est lui qui ne meurt pas. Et c'est celui-là qui va nous accompagner dans la vie après la vie. C'est pas ce qu'on appelle le corps astral. Oui, absolument, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Mais le corps éthérique, et quand vous allez vous promener, vous sortez votre corps physique, eh bien, vous êtes quand même. Vous avez une forme, mais une forme qui n'est pas visible à l'œil nu, évidemment. Alors, c'est un peu le corps du Christ ressuscité. Alors, pour moi, si vous voulez, ce dont je suis convaincu, merci de votre remarque. Je crois que, si vous voulez, pour moi, le message de Jésus est un message il n'est pas venu nous sauver du péché, je suis un peu dubitatif sur tout ça. Je pense qu'il est venu nous annoncer notre résurrection. Et c'est ça qu'il nous a montré, c'est que nous sommes éternels. Et si vous regardez bien les évangiles, c'en est partout, c'en est truffé de messages de résurrection. Et ce qui, un peu, à mon avis, a gâché tout ça, c'est l'histoire du jugement dernier. C'est l'idée, le Christ va revenir à la fin des temps, on n'en sait rien. À l'époque, on croyait que c'était dans quelques centaines d'années, d'ailleurs, dans les premières années de l'ère chrétienne, et qui va venir pour juger les vivants et les morts. Et puis, alors, l'horrible truc de la résurrection de la chair. Ah oui, on va tous être des zombies et tout ça, vous voyez le truc? Bon, si vous voulez, je pense... Et je vais vous dire juste une remarque. C'est que j'aime beaucoup la peinture flamande. Et j'adore aller aux hospices de Beaune voir le magnifique jugement dernier de Monsieur Roger van der Weyden. Ah oui. Et j'y suis allé pendant que j'écrivais mon bouquin. Et ce qui était passionnant, c'est que j'ai regardé, j'ai tout lu. Il y avait partout là. Puis il y avait un texte en disant, il y a deux endroits dans le Nouveau Testament où on parle du jugement dernier. Il y a Matthieu 25 et il y a Apocalypse 20. Donc c'est pas un truc qu'on met partout. Donc pour moi, le jugement dernier, qui d'ailleurs obsède les musulmans beaucoup plus encore que les chrétiens, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de jugement dernier. Je pense qu'il n'y a même pas de jugement premier, d'ailleurs. Je pense qu'on est accueilli parce qu'on a un Dieu d'amour et que, ben, à ma foi, la vie éternelle peut être une vie magnifique. On va passer à la lecture des messages, mais auparavant, je voudrais présenter mes excuses à mon confrère et ami Hugues Sérapion. C'est bien Hugues Sérapion. J'ai dérapé tout à l'heure, j'ai dû dire Hugues Sérapion. Non, c'est bien Hugues Sérapion qui était donc l'animateur de ce libre journal des lycéens dont j'ai parlé. Mille pardons, mon cher Hugues, et mille pardons aux auditeurs d'avoir écorché un petit peu ce nom. Voilà, alors, Michel. Oui, alors des messages pour notre invité, François de Witt, auteur de l'ouvrage « La preuve par l'âme » aux éditions Guy Trédaniel. Une témoignage d'une auditrice, un jour que j'étais couchée avec une grosse crise de foi. Je précise foi, F-O-I-E. Je ne sais si c'est mon âme ou mon esprit qui est sorti de mon corps. Je flottais au-dessus de mon corps, je voyais tout, j'entendais tout, mais je ne pouvais pas parler. Le docteur m'a fait une piqûre et à ce moment-là, je suis rentrée dans mon corps. C'est formidable que des gens témoignent de ça aujourd'hui. Il y a 10 ans, personne ne témoignait. Oui. Et il y a de plus en plus de... Merci beaucoup à cette auditrice. Il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques. Ah ben, oui. Oh, mais ça, il y en a sûrement, vous en avez sûrement plein. Oui, c'est normal. Ça, alors, c'est normal. Un auditeur, monsieur De Witt, qu'adviendra-t-il des personnes greffées avec un cœur artificiel? Et un auditeur, immense merci à Monsieur Marin de traiter ce sujet essentiel. Quelle est l'opinion de Monsieur De Witt sur le... Je lis mal ce mot. Sur, je vais essayer de déchiffrer. Quelle est l'opinion de Monsieur De Witt sur... Ah, je ne peux pas lire. Le car... Sur le... Peut-être que je peux lire, moi. Alors en tout cas, les greffes, les cœurs artificiels, je ne suis pas du tout chaud sur cette affaire-là. Donc, et je le dis d'ailleurs quelque part, je le dis à la fin, je pense que les cœurs artificiels, c'est on prive la personne de quelque chose d'absolument essentiel à sa vie. Alors là, c'est le... Oui, j'arrive... Non, j'arrive pas... C'est bizarre. Coder Sift, non, je ne sais pas ce que c'est. Non, on n'arrive pas. Bien, non. Alors, une auditrice, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Oui, ça, elle est belle cette phrase, elle est superbe, mais elle est fausse. Alors, une auditrice est étonnée que vous ne parliez pas du diable et de la Vierge Marie, donc vous en avez à parler un petit peu. Un auditeur, l'Église catholique interdit formellement le spiritisme car en communiquant avec l'au-delà, on ouvre la porte à toutes sortes d'esprits et particulièrement aux esprits démoniaques. Alors ça, est-ce que je peux m'arrêter 2 secondes sur ce point très important? Bien sûr. Et compréhensible, parce qu'effectivement au 19e siècle, l'Église s'est beaucoup battue contre ce qu'on a appelé le spiritisme ou le kardécisme à cause de Allan Kardec qui croyait... Mais pour moi, j'ai lu Allan Kardec, le livre des esprits, ça n'a rien de choquant. Au contraire, il reprend des théories, des visions orientales, qui d'ailleurs avaient été transmises, avaient été développées en Europe par les théosophes à la fin du 19e oui. siècle. Et c'est grosso modo, il explique que notre âme a un corps physique, mais qui n'est pas perceptible, qui n'est pas matériel, bien entendu. Donc tout ça, c'est malheureusement... Alors, le problème de pourquoi est-ce qu'on ne veut pas communiquer ? Parce qu'on communique avec des diables. Alors, moi, je peux vous dire, chère madame, j'ai communiqué beaucoup, beaucoup avec l'au-delà. Je suis tombé sur un certain nombre de farceurs. Je n'ai jamais tombé sur des démons. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et je m'explique. Quelqu'un qui passe de l'autre côté après la mort, qui on montre sa revue de vie, et qui, parce que ça fait partie, je dirais, du dispositif, semble-t-il, systématique, qui ne reconnaît pas ses torts, c'est-à-dire qui ne fait pas acte de contrition, eh bien, ce quelqu'un, il peut devenir un mauvais esprit, si je puis dire. Et il peut même infester des vivants, il peut même justifier qu'on ait de l'exorcisme. Moi, de l'exorcisme, je trouve que c'est une pratique extrêmement saine. Simplement, l'exorcisme ne veut pas dire qu'il y a un diable. Ça veut dire qu'il y a des esprits mauvais. Voilà. Donc, on n'a pas besoin du diable pour ça. Et croire au diable... De mauvais démons, quoi. C'est pas le diable, oui, c'est ou des gens, on va dire qu'ils sont démoniaques, etc. Oui, oui. Mais c'est tellement vrai. Quand le terme juif dont est tiré Satan, qui est Shatan, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Et ce mot Shatan veut dire l'adversaire ou l'obstacle. Et pour un juif tout à fait pratiquant, le Shatan est celui qui nous montre nos mauvais côtés. Ah, on sait très bien qu'on est bon et mauvais en même temps. Bien sûr. C'est notre mauvais côté qui... Il n'y a pas besoin de diable. Je ne suis pas sûr d'avoir convaincu Marie. Et question d'une auditrice, que pensez-vous de la réincarnation ? Je pense, alors, ça c'est une question très importante. Si vous voulez, moi je crois à l'idée, à la phrase de Teilhard de Chardin qui dit « Nous sommes des êtres spirituels vivant une aventure humaine et non pas des êtres humains vivant une aventure spirituelle ». Ça veut dire qu'on est d'abord des âmes. On est d'abord des âmes qui vont ensuite s'incarner dans les corps et qui, à ce titre, peuvent migrer d'un corps à un autre. Et il y avait un très grand théologien du 3e siècle, pour lequel j'ai toujours eu une très grande affection, qui s'appelle Origène. Et Origène se disait, comment se fait-il qu'on naisse aveugle ? Il dit, c'est peut-être que dans une vie précédente, on a fait des choses mauvaises et que donc on est marqué, et que dans cette vie-là, on a choisi d'être aveugle. Eh bien, Origène était favorable à ce qu'on appelle la migration des âmes. La migration des âmes, ce n'est pas la réincarnation. La réincarnation orientale, c'est l'idée qu'on tourne toujours en rond, parce que les religions orientales sont souvent circulaires. Et donc, comme on tourne en rond, quand on quitte une vie, on repart pour un tour et on fait les mêmes bêtises qu'on a fait avant. Nous sommes des gens convaincus que nous pouvons progresser. Et c'est une chance fantastique et c'est une des forces des religions occidentales. Eh bien, justement, on peut progresser de vie en vie. Donc, l'idée que j'ai 10 vies ou 20 vies, j'en ai sûrement pas 500, hein, donc je rassure notre auditrice, mais je pense que d'avoir des vies successives, c'est pas du tout gênant, mais c'est malheureusement, effectivement, absolument pas reconnu par l'Église. Par aucune des églises chrétiennes. Et je trouve ça très dommage. Alors, une auditrice, toutes les personnes qui ont connu cet état de décorporation expliquent qu'elles ont connu des moments heureux et n'ont plus peur de la mort. Mais aucune personne n'est revenue en disant qu'elle a eu peur et que l'endroit était néfaste. Un auditeur, Padre Pio, avait le don d'ubiquité. Oui. Il y a eu plusieurs expériences dans sa vie. Padre Pio. Oui, il avait bilocalité. Il pouvait être à deux endroits en même temps. C'est assez extraordinaire. Donc, je veux dire, ça, c'est... C'est tout de même, il y a une partie de lui qui était visible ailleurs que là où il était. Et c'est très intéressant, c'était son corps éthérique qui était visible. C'est ce assez qui est extraordinaire. Hein, c'est un don invraisemblable, mais magnifique. Répio, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, oui, merci de ce témoignage. Une auditrice donc remarque que vous êtes catégorique quand vous dites que Satan n'existe pas. Ah, je suis catégorique, chère madame, mais catégorique. Je veux dire, je mets le bras dans le hachoir pour prouver que ça n'existe pas. Et franchement, je connais le sujet. Et juste une petite remarque. C'est croire au diable, c'est ce qu'on appelle une religion dualiste. C'est croire qu'il y a deux forces qui s'affrontent, le bien et le mal. Et même si on croit que le bien triomphe du mal, on accorde au mal un rôle beaucoup trop important qu'il ne mérite pas. Alors, donc je suis catégorique. Alors, Michel. Donc, une auditrice qui dit « Monsieur De Witt dit des vérités et qu'elle va vous écrire ». Ah, c'est sympathique, alors, merci beaucoup. Alors, une auditrice encore, le père Desrobert a vécu une expérience de décorporation pendant la guerre d'Algérie et cela a été attesté par Padre Pio lui-même. Et un auditeur, métaphysicien, recommande un ouvrage, « Les conversations avec Dieu » de Donald Walsh. Oui, Neil Donald Walsh. Alors, voilà. C'est un très beau livre. Chez Gallimard. C'est un très beau livre, simplement, moi, pour le coup, je pense que personne ne discute avec Dieu. Donc, je pense que M. Walsh, il a des conversations avec une entité, peut-être. Peut-être que c'est lui qui les a imaginées, ça lui est revenu. Mais moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je ne pense pas qu'on discute avec Dieu. Donc, je trouve que le titre de son livre, et même le contenu, parce qu'il entretient bien l'ambiguïté, me paraît quand même un tout petit peu suspect. Mais la qualité du livre, surtout le premier, parce qu'après ça, ça devient du business. Et le premier bouquin est quand même très beau. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le titre du livre, justement, de Michel Delpech, hein, après sa grande dépression. C'est très beau, votre poème que vous avez éprouvé. Et ce qu'il a éprouvé à Jérusalem, et c'est à la suite de cela qu'il a écrit ce livre, « J'ai osé Dieu ». J'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'avait pas vraiment encore trouvé la foi. Il était en quête de vérité. Hein, et j'ai trouvé ce titre très beau. J'ai osé Dieu. Et après, il a écrit cette chanson dont j'ai cité. Mais il y a une phrase magnifique. Si vous voulez, c'est drôle parce que moi, j'ai 71 ans. Ce livre, l'idée de ce livre m'est venue, je sais pas, il y a 2 ans. Et donc, j'ai attendu 69 ans pour m'occuper de ce que je trouve la chose la plus importante de toute ma vie. Bon, ben, mieux vaut tard que jamais, si je puis dire. Mais ce qui est marrant, c'est que toute ma vie, j'ai ramassé des cailloux. Des trucs qui m'ont conduit sur ce chemin. Et je pense à une très belle phrase de Lamartine que j'ai ramassée en classe de première. Dieu sait pourquoi, mais maintenant, Dieu sait, lui sait, moi je sais aussi. Qui est « Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux ». Je trouve qu'elle est superbe, bien qu'on ne soit pas des dieux déchus, mais je trouve qu'elle est superbe cette phrase, bornée dans sa nature, et ça c'est le côté justement, on est borné, on est limité, on est infini dans nos vœux, dans nos rêves, etc. Mais je trouve que cette phrase est très très forte. Alors cher François De Witt, votre livre, c'est vrai, c'est un voyage absolument extraordinaire, une exploration, je l'ai dit, fascinante, et notamment quand vous abordez des problèmes, je l'avoue, qui me passent un peu au-dessus de la tête, quand vous abordez ces phénomènes, ces entités quantiques et les trous de verre d'Einstein. Je trouve que là, on est aux limites du vertige, quoi. Oui, mais si vous laissez... Alors... La mécanique quantique, on en parle beaucoup, on abuse beaucoup. Il y a beaucoup de philosophes, de médecins, de soignants qui prétendent faire de la médecine quantique et tout ça. Simplement, grosso modo, qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique ? C'est l'étude des mouvements des particules les plus élémentaires du monde, c'est-à-dire des photons, des particules de lumière, des électrons, des atomes, etc. La table sur laquelle nous sommes ici, elle est bourrée de vide. Elle est bourrée de vide. Mais bourré à 99,9% de vide. Et en fait, dans les interstices, ce qui fait qu'elle tient debout, c'est un certain nombre d'entités quantiques. Je dis bien les entités, parce que c'est pas des objets qui bougent tout le temps. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. C'est très, très compliqué. Mais ces entités, en plus, c'est très étrange. Elles sont capables de passer par 2 trous en même temps. Elles sont capables d'aller reculer dans le temps. Elles sont capables de passer à travers un mur, alors que nous, on peut pas passer à travers un mur. Et si vous voulez, moi, j'ai une espèce de réflexion philosophique sur le quantique, qui est de me dire, au fond, les constituants les plus élémentaires de la matière ne sont pas de la matière, d'abord. C'est beaucoup plus de l'esprit que de la matière, donc c'est très très intéressant philosophiquement. Et en plus, il se balade dans un monde où il n'y a pas de gêne, où il n'y a pas d'obstacles. Et nous, on est dans un monde où il y a des obstacles, parce qu'il faut bien parler dans un micro, on ne peut pas parler n'importe où. Il faut bien qu'il y ait un éclairage, et nous avons des corps physiques qui sont des obstacles. Et pour moi, le grand message, je dirais peut-être poétique de la mécanique quantique, les gens n'aiment pas cette idée, et c'est que le monde dans lequel nous vivons est inclus dans un monde beaucoup plus vaste, qui est le monde astral, le monde cosmique, le monde de Dieu, le monde éternel, et que la mécanique quantique, les entités quantiques, nous mettent sur le chemin de ce monde et nous indiquent qu'il existe. Et donc, les scientifiques, d'ailleurs, c'est extraordinaire de penser que tous les grands spécialistes de la mécanique quantique, tous les fondateurs de cette science, sont devenus mystiques. C'est incroyable. Monsieur Bohr est devenu taoïste, Monsieur Schrödinger est devenu hindouiste, Monsieur Heisenberg est devenu bouddhiste. Ils sont tous parce que ils étaient dépassés. On est fasciné par cet univers. Et pour revenir à la conscience dont nous parlions, Schrödinger, il dit, la conscience est indivisible. Il y a une seule conscience. Donc, si vous voulez, ça prouve un message universel qui nous est apporté par la science de ce qu'il y a de plus microscopique. C'est quand même magnifique, ça. Parce qu'aussi bien l'univers matériel, si j'ose dire, que l'univers invisible, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement. Ouais. Mais trop de verre d'Einstein. Les trous de verre sont fascinants. Pourquoi ? Parce que Einstein, il a théorisé qu'on pouvait passer d'une partie de l'espace-temps à une autre partie à travers un trou de verre. Simplement, on a regardé, on s'est dit, les savants contemporains se disent, oui, c'est peut-être vrai, mais il faut pas avoir de matière. On peut pas y aller, vous et moi, on peut pas passer d'un trou de verre. Mais c'est dommage. Mais les gens qui vivent l'expérience de mort imminente, ils passent dans un tunnel, et au bout du tunnel, il y a une lumière très brillante. Oui, tous les témoignages disent la même chose. Eh bien, si vous voulez, pourquoi pas imaginer que leur âme, à travers le corps éthérique, hop, il est passé à travers le tunnel et il va de l'autre côté, il va dans une autre partie de l'espace-temps rejoindre les gens qui voient les personnes qui vivent ce genre d'expérience. C'est pas du tout aberrant. C'est simplement un peu science-fiction, ça, j'avoue. Alors, vous levez un petit peu le voile sur vos propres expériences. Sur les expériences que vous avez vécues, et notamment, ça m'a beaucoup intéressé, un peu amusé, avec avec Octave. Ah oui, Octave, là, formidable. C'est assez étonnant. Octave, oui, Octave était le défunt grand-père de celle qui est devenue ma femme. Et elle et ses cousines avaient l'habitude, dans sa maison de campagne en Normandie, de faire tourner les tables, parce que c'était amusant, c'était un espèce de jeu de société, hein, c'est très classique. Puis un jour, Nathalie, qui est devenue ma femme, donc lui pose la question « Qui vais-je épouser ?» Et la table, ça tape des lettres. Si ça tape F, ça fait six, ça tape six fois avec un des pieds. Et donc la table tape François. Et ensuite, elle s'attendait à... Elle avait une idée en tête d'un jeune homme qu'elle trouvait très sympathique, mais qui n'avait pas mon nom. Et la table n'a pas tapé son nom, mais le mien. Et à la suite de ça, je suis venu tout de suite lui rendre visite, savoir qui était peut-être ma future promise. Il se trouve qu'on est tombé amoureux, et puis on s'est mariés 8 mois après, ce qui est assez mignon. Et je suis devenu très copain avec Octave, celui qui se disait Octave, et dont j'appréciais beaucoup la conversation, et on a eu de superbes échanges. Et un jour, je lui ai dit... Ah oui, en plus, Octave, on a fait une validation intéressante. Moi, j'y croyais pas beaucoup à tout ça, pour tout vous dire. Je pensais que c'était sympathique, ça m'amusait. Je suis pas sûr que c'était vrai. Un jour, on demande à Octave, où est ton fils Alain, qui était le père de celle qui allait devenir ma femme, et son père naviguait quelque part en Méditerranée. Et Octave a répondu, Monte Cristo, qui est une microscopie que vous connaissez forcément. Et c'est vraiment un confetti. Et on a pu vérifier que mon beau-père était bien à Monte Cristo ce jour-là. Ah, ça, c'est pas mal, parce que personne autour de la table ne pouvait répondre. Mon ex-femme, parce qu'on a divorcé malheureusement depuis, elle était nulle en géographie, elle n'aurait jamais su où était son père. Donc, il y a eu une réponse à une question, une réponse, je dirais, objective à une question à laquelle personne autour de la table ne pouvait répondre. Et ça m'a un peu troublé, ça, j'avoue, effectivement. Et ensuite, j'ai demandé à Octave si on pouvait le voir. Et il a dit oui, qu'on pouvait le voir, mais sauf moi. Moi, j'ai pas le droit de le voir. Et en fait, je suis allé au cimetière où il était enterré. et avec une de ses petites filles, et elle l'a vu en plein jour alors qu'il faisait nuit noire. Et cette histoire m'a toujours marqué parce que on dit c'est une hallucination. Mon œil, c'est que quand vous voyez votre grand-père qui est mort lorsque vous aviez 6 ans, vous le voyez en plein jour habillé dans un costume de flanelle avec une canne, ben vous n'avez pas inventé ce truc-là. Donc l'hallucination, qui est un des grandes explications des rationalistes, ben moi j'y crois pas trop. J'y crois pas du tout. Alors vous citez des cas qui sont absolument troublant, plus que troublant, les révélations de Frédéric Meyers, de Marcel de Jouvenel, de Jeanne Moranier, depuis l'au-delà, tout ça. Mais enfin, on peut pas dire tout ce qu'il y a dans votre livre, François De Witte, parce que c'est une somme dont je rappelle le titre, La preuve par l'âme, un polytechnicien démontre notre immortalité, de François De Witte, publié par les éditions Guy Trédaniel. Et vraiment, et on apprend énormément de choses. On se pose évidemment des tas de questions. Vous êtes un esprit scientifique, mais vous admettez qu'on puisse ne pas croire à certaines choses. Hein. Vous avez les pieds sur terre, vous n'êtes pas du tout un illuminé. Et c'est un livre absolument, je le répète, passionnant, fascinant, qui ne coûte que 19,90 € aux éditions Guy Trédaniel, La preuve par l'âme. Alors, il y a des lignes très, très bouleversante, que je ne veux pas citer parce qu'elle me touche de trop près. C'est les lignes que vous consacrez à la maladie d'Alzheimer et autres maladies dégénératives. Vous répondez très bien aux objections qu'on peut faire à propos de la conscience diminuée quand le cerveau a des troubles cognitifs d'une extrême gravité. Ce sont des très, très belles page que vous consacrez à la maladie d'Alzheimer. Je vous en remercie parce que, eh bien écoutez, j'y ai puisé un réel réconfort. J'ai puisé un réel réconfort. Ça me touche beaucoup. Je comprends mieux quand vous dites finalement que ces malades-là, ben, je le constate tous les jours. Ils sont déjà de l'autre côté. Ils ont déjà un pied dans l'au-delà. Ouais. Et puis ce qui est très beau, vous citez... À partir d'un certain moment. Vous citez aussi Saint-Paul, je crois que c'est la première épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 15. Oui, la c'est fin assez extraordinaire. L'apôtre distingue les corps terrestres des corps célestes d'un tout autre éclat. Une étoile même diffère en éclat d'une étoile. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on est ressuscité dans l'incorruptibilité. On est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps psychique, lisait Charnel, on ressuscite corps spirituel. Comme emporté par sa démonstration, il poursuit le premier homme issu du sol et terrestre, le second, lui, vient du ciel. Et je trouve ça magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense que c'est vraiment ça. Il dit la vérité. Je pense que c'est encore une fois que c'est le message du Christ. C'est un message de résurrection. Il nous a montré la voie et elle nous est promise. Je crois que c'est très, très important. Et que donc, du coup, il n'y a pas de jugement dernier, des trucs comme ça. Et vous expliquez d'ailleurs à la page 269, François De Witte, à propos de Satan, la vraie nature du diable. C'est très, très intéressant. Enfin, écoutez, tout votre livre est intéressant. Vous avez fait quand même un travail, si j'ose dire, de bénédictin. Hein. C'est vrai, oui. Mais une recherche, vous avez lu un nombre considérable d'ouvrages. Parce qu'il y a encore ceux que je n'ai pas cités parce qu'ils ne sont pas bons. Il faut en lire le double. Michel, quelques messages D'une auditrice. Merci pour cette transmission. C'est une auditrice qui est passionnée par votre émission et qui vous remercie encore. Elle dit « Enfin, on peut parler de Dieu. Monsieur De Witte a-t-il connaissance d'un livre écrit par une handicapée traumatisée crânienne, Les écrits d'Oriane, préfacé par le docteur Charbonnier. Il s'agit d'une jeune femme totalement paralysée et mutique à la suite d'un accident de voiture ?» qui donne des textes tout à fait conformes au récit des expériences de mort provisoire. Elle y parle de l'importance et du rôle du cœur. Et cette auditrice précise que c'est grâce à une méthode qui s'appelle la communication profonde accompagnée. C'est très intéressant. Je ne connais pas cette Oriane, mais je connais une jeune fille qui s'appelle Lucie et qui a été victime d'un... d'un traitement médical qui a été désastreux et qui est totalement handicapé et qui s'exprime de manière absolument magnifique par l'intermédiaire d'une espèce d'interprète, je ne sais pas comment ça se passe, mais qui a des choses à dire. Et ça, c'est merveilleux parce que je pensais que les gens sont enfermés dans un corps qui effectivement ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent, mais qui sont capables d'exprimer des sentiments aussi beaux que Lucie, eh bien c'est magnifique. Michel ? Oui, alors une auditrice, Sainte Thérèse d'Avila, a eu des lévitations jusqu'au plafond. Je suis un inconditionnel de Sainte Thérèse et je vous invite à lire Le Château de l'âme, qui est absolument qu'un superbe texte qu'elle a écrit sur ce sujet, vraiment magnifique. Donc Sainte Thérèse, c'est formidable, c'est vraiment 20 sur 20. Voilà, et puis un auditeur aussi qui conseille la lecture d'un livre, Le Traité de l'Esprit de Mgr Gaume, en 1864, qui démontre l'existence du diable, et il y a beaucoup de... Oh, ça, je me méfie, mais ça m'intéresse. Merci beaucoup de la référence, je vais procurer alors ce je bouquin. Vous donne, voilà, ah oui, la, oui, la ça m'intéresse beaucoup, voilà. Oui, tout à fait. La vraie nature du diable, nous explique François de Vif. Voilà, et un auditeur nous demande, que devient l'âme des terroristes ? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question, et à la limite, que devient l'âme d'Hitler, etc. Oui, ouais. Je pense qu'un terroriste, c'est un type qui est, c'est terrible, qui est complètement à côté de la plaque. Il se croit promis à une merveilleuse vie éternelle. Et je pense que la première chose qui va lui arriver, c'est que, pas nécessairement la première, parce qu'il va être très perturbé quand il sera de l'autre côté, mais il a forcément une épreuve de revue de vie. Et si il se rend compte que son acte était totalement absurde, horrible, inhumain et tout, s'il le reconnaît, eh bien, il est récupérable de l'autre côté. C'est ma conviction. Et ça paraît peut-être choquant, mais je pense que c'est la contrition, c'est le fait de reconnaître ses fautes qui nous permet d'avancer et qui permet à notre âme d'avancer. Très, très important. Donc, un terroriste n'est pas quelqu'un qui est foutu, et je trouve ça plutôt sympathique. Mais encore faut-il qu'il reconnaisse. Voilà, il y a tout l'examen de conscience. C'est, le moins c'est l'examen de conscience, on n'y échappe pas à ça. Et je pense que c'est tout à fait sain. Je peux, s'il vous plaît, pardonnez-moi, comme je vois qu'on va arriver à la fin, je voudrais répondre à l'auditrice qui me demande les coordonnées de la Ligue de sauvegarde des équidés. Ah oui. Alors madame, c'est très simple, la Ligue de sauvegarde, elle m'a dit de dire lentement, Ligue de sauvegarde des équidés, eh bien vous envoyez communiquer avec l'école vétérinaire de Maison-Alfort, voilà, qui fera suivre... parce que ça change parfois d'adresse, étant donné que les gens qui s'en occupent sont en province. Mais école vétérinaire de Maison-Alfort. Voilà. Merci, cher Jean-Paul. Ben, le temps a passé avec une rapidité extraordinaire, parce qu'en écoutant François de Vit, on ne peut être que passionné. Je rappelle quand même, tout en saluant le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que je recevrai de nouveau à ce micro. Là, nous étions un peu trop surchargés. Mais je rappelle la publication de son dernier livre, également aux éditions Guy Trédaniel, je pense. Je ne sais pas si je me trompe. Et oui, c'est bien dit. Chez Guy Trédaniel, La mort expliquée aux enfants. Et donc, je redis à nos auditeurs que nous venons de parler du livre de François de Vit, La preuve par l'âme, un polytechnicien démontre notre immortalité, publié chez Guy Trédaniel pour la somme de 19,90 €. Et je vais demander à monsieur François de Vit, parce que je sais qu'il est souvent aux États-Unis, s'il est en France le dimanche 12 juin 2016, je serai très honoré qu'il soit à mon comptoir du Libre Journal de la Résistance française avec son livre « La preuve par l'âme ». Je ne doute pas qu'il aura énormément de succès de la part de nos auditeurs. Écoutez, le dimanche 12 juin, vous notez ça sur votre agenda. Je serai là, vous pouvez compter sur moi. Il nous reste 2 minutes. Oui, alors un Michel. Dernier message. Un auditeur, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant actuel. Il faut préciser que la notion de réintégration l'incarnation était courante dans l'Église catholique jusqu'en l'an 553. En effet, c'est au Concile de Constantinople, en l'absence du pape, absolument, qu'il a été décidé que cette croyance ne pouvait pas exister. Et on nous dit le pape était en prison. Voilà. Elle le connaît très bien, bravo, parce que je le mets dans le bouquin, j'ai découvert ça en écrivant le livre. Il a été mis en prison. Le pape Vigile a été mis en prison par l'empereur Justinien Ier. Agréablement surpris par la culture de nos auditrices et de nos auditeurs. Oui, c'est absolument fantastique. Eh bien, il me reste à remercier, cher Michel. Oui, j'ai des messages à dire encore. Il y a des messages. Des annonces. Donc, la librairie Notre-Dame de France, rue Galande, Paris 5e, prochaine dédicace, samedi 16 janvier de 15h à 19h, avec Jean-Paul Cherguez de Olmeta, mon libre journal, Maurice Bonnet, Enquête sur le destin. Ensuite, 21 janvier à 10h, tous à la Concorde pour le roi Louis XVI. Et puis, donc, Forum de la France chrétienne, vendredi 22 janvier à 20h30, 9 rue Bergère, Paris 9e, pour donc une conférence du général Henri Thénard. Là, il faut terminer, Michel. Il faut terminer. Bon, je remercie François De Witt pour son livre. Merci à vous. Merci La preuve par l'âme. Je remercie notre cher Marquis. C'est moi qui vous remercie. Pour mon libre journal. Michel, ma charmante assistante, Franck à la technique, et les dames et messieurs qui ont pris les messages. Et je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie pour mon prochain libre journal de la Résistance française, le mercredi 10 février. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 13 janvier 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 14 janvier dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis, à la demande, sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.